À l'occasion de la Journée du Soleil, le Centre d'études des études jetées de Milan, Italie, a présenté dans leur page d'internet les œuvres classiques du président Gemelson, le programme en 10 points de l'Association pour la libération de la patrie, et réponse aux questions posées par M. Manian, correspondant de l'Humanité. Par ailleurs, à l'occasion du 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée, le Comité national d'études des études jetées du Congo démocratique inséré dans son page d'internet le texte intégral de l'œuvre classique du président Gemelson, défendant efficacement notre œuvre révolutionnaire par la force armée.